pousse la frousse aux trousses, mais les froussards poussent sur les champs de bataille. Moi je suis broussard, pousse et taille, affronter la mort, pire encore, affronter la vie hardcore. Au QHS, HS comme à la chasse, ou comme quand j'ai la chiasse, on succombe autant de coups de chlasse que de coups de lâche, négro. Aïe comme les jurés, taille comme le rap, mais Akela le ressuscite dès la troisième sur. Je rêve de peser, d'être gros comme les insatiables, de tout baiser, être aisé car je suis insatiable, insociable, et la preuve c'est ces plus lyriques. Mais dis-moi ce que dans un combat plus les risques, un peu de sous pour un tiramisu, un poulet pané, beaucoup de sourires à la simple vue d'un poulet cané. Les mots eux-mêmes ça donne à des scènes obscènes, c'est quartier haute sécurité, pas quartier haute scène. Bel et bien nègre, de la pose perle, y'a que le bis pour nous rendre prospère. Prospère, prospère, frère, prospère, embarqué dans une grosse berne. Quartier haute sécurité, on vient tricher les vérités. Cous, on entend grand dans des boîtes, chez nous on laisse nos épouses. On pose notre rap de plaine, notre haine c'est la guerre. VHS, quartier haute sécurité, on vient cracher nos vérités. Cous, on monte en grade, on débarque chez nous, on laisse nos épouses. On pousse notre rap, nos blèmes, notre haine, c'est la guerre. QHS, QHS dispose, quartier haute sécurité, j'ai QHS. Tellement que c'est la merde, du trou du cul, j'ai une cirrhose. À bas les roses, crouille, écarte les gosses, des coups de trans, allez, hot, les avances, non. Chez nous, comme des roses, corps, tu bosses. Avec au sol, les mots que crève. Chaque tiers des gueules fraîches, le juillet à août. Chez nous, c'est la laca, la crève. Qui veut la guerre, aura un port, jartel, sans matricule, mon verre de punch. J'te maquille au sang à lèvres, sang, c'est 93, Servio. Elle, si c'est honnête, tu sens, innocent, tu le témoins ton crime. Jette un œil sur la réserve, on sait jamais. La misère, je sais où elle crèche. La dèche en graine émane, nettoie les rêves. Ce qui reste au pute, c'est la crème. Même si l'espoir est mince, faut délivrer les mots pour qu'elle morceau une étincelle. Pour sa part, son éclat. Les mâles que je connais crèchent en hauteur. Entre le gâteau et l'huile, on reste des acteurs dans nos délires. Le QHS, chaque JOUR. RDB pour trophée, v'là mon coffret. J'expose mon tas. S-E-Z-A-X. Quartier haute sécurité, on vient tricher les vérités. Cous, on monte en grade dans des boîtes. Chez nous, on laisse nos épouses. On pose notre rap, notre blême, notre haine, c'est la guerre. QHS, quartier haute sécurité, on vient tricher nos vérités. Cous, on monte en grade dans des boîtes. Chez nous, on laisse nos épouses. On pose notre rap, notre blême, notre haine, c'est la guerre. Aïe par la CIA, faut j'parle d'assez. Jeune vendeur de CC, tracé en père, il vend de l'ICC. Pétant sur six prisonniers du gravier. Circonstance aggrave, entre d'armes et sans preuve. Ennemi public et du trésor public. Le matin public, son opinion publique. Vous aimez voir bandit sur la place publique. Pour compte de leur public, j'emmerde leur république. Ennemi d'état, les flics la ville et puis t'es fait des gènes. BRBG, IGN, CRS. QHS, quartier haute sécurité, abritant les jeunes, sans flipper les autorités. Vers votre conjoint comme pierre contre grenade, donc terre contre brigade. Du coup, voyons le même engrenage. Le droit de savoir par menace, moi de différence de classe, donc de différence d'audace. Ennemi public, ennemi d'état, ennemi tout court, ennemi toujours. Et les coups par cours toujours. QHS, quartier haute sécurité, abritant les jeunes, sans flipper les autorités.